Contes africains, Bakoudoupa la tourterelle. Kolitkoto, Kolitkoto, Kolitkoto, j'ai une fille à marier, j'ai une fille à marier. Ainsi chantait tous les jours Bakoudoupa la tourterelle. Et que demandes-tu comme dot? Lui demanda Audreau la perdrix. Je donne ma fille à qui ramène sur la terre Vranjanja la pluie mirage. Vranjanja, la pluie fugitive ? S'écria la perdrix. Vranjanja, qui coupe soudainement le chemin du voyageur, s'approche quand il vient, fuit quand il arrive, parfois le surprend par derrière, le poursuit, l'essouffle, puis disparaît du ciel quand il atteint un village. Je ne prétendrai jamais à la main de ta fille. Et Audreau s'en alla. Les autres animaux vinrent nombreux et, tous impuissants, repartirent la tête basse. Téré alla trouver la mygale son oracle. Bakoudoupa la tourterelle propose sa fille à qui ramène sur la terre Vranjanja la pluie insaisissable, lui confia-t-il. Chevauche l'arc-en-ciel et coupe la route à Vranjanja. Tu la captureras pour la ramener docilement sur la terre, suggéra l'araignée terricole. Téré se rendit à la source du ruisseau, rencontra l'arc-en-ciel et lui fit part de son projet. La pluie mirage est partie pour l'autre bout de la terre et reviendra après à Pépé la lune de la disette. Dès qu'elle s'annoncera, viens me chevaucher, nous la suivrons pour la dompter. Lengoa, la lune du renouveau, suivit Apépé et Vranjanja arriva. L'arc-en-ciel emporta Téré haut dans le ciel, joignit les deux bouts de la terre, retint sous sa voûte la pluie vagabonde, qui, pour échapper à cette étreinte, s'abattit sur la terre en grosses gouttes interminantes et perlées. Téré épousa la fille de Bakoudoupa. Et depuis lors, captive de l'homme, Vranjanja revient chaque année arroser la terre pour annoncer en même temps l'arrachage de l'arachide et le ramassage des courges. Symbole de la force et de l'unité, parce qu'il supporte la voûte du ciel et l'empêche de tomber sur le monde dont il unit les deux extrémités, l'arc-en-ciel restera l'animal totémique le plus connu et le plus vénéré des hommes. Conte anonyme, lu par Sabine, pour Audiocité, sous la licence Art Libre.